France Culture avec philosophie Géraldine Mulman. L'âge, est-ce vraiment dans la tête? C'est notre série de cette semaine. Nous nous arrêtons sur certains âges de la vie pas forcément les plus attendus. Il y a des incontournables. Ce matin, l'enfance est-elle si décisive dans nos vies? Est-ce dans l'enfance, prioritairement, voire exclusivement, que nous acquérons la confiance dans nous-mêmes et dans les autres? Est-ce dans l'enfance que notre capacité à créer des liens avec autrui peut, au contraire, être cabossée pour toujours? L'enfance ne dure que 12 petites années, certains disent même moins. Mais on a l'impression que tout se joue là et qu'après, les rattrapages éventuels sont périlleux, incertains. N'en fait-on pas un peu trop à propos de l'enfance? Pour réfléchir ensemble à cette pesanteur de l'enfance dans nos vies, j'accueille ce matin un pédopsychiatre, un psychanalyste et un sociologue. Tous les trois écrivent des essais, font des recherches et ont une manière assez philosophique, je trouve, de poser les problèmes qui les intéressent. Bonjour Daniel Marcelli. Bonjour Géraldine. Vous êtes pédopsychiatre, auteur notamment d'Enfance et psychopathologie, écrit avec David Cohen et paru aux éditions Masson en 2021. Et votre dernier livre, écrit avec Antoine Perrier, publié chez Odile Jacob, s'intitule « Trop de choix bouleverse l'éducation ». Bonjour Gérard Haddad. Bonjour. Vous êtes psychiatre aussi, je crois. Oui, entre autres. Mais vous vous définissez surtout comme psychanalyste. Vous écrivez beaucoup, votre culture est impressionnante, votre vivacité dans l'échange intellectuel nous ravit toujours ici. Vous êtes en effet déjà venu. Vous me flattez. Les références de vos travaux sont sur notre site. Enfin, bonjour François de Saint-Gly. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes déjà venu également. Vous êtes professeur émérite de sociologie de l'université Paris-Cité. Votre terrain de recherche depuis très longtemps, c'est la famille. Vous vous intéressez beaucoup à la quête de liberté individuelle, dans le couple, dans la famille, mais à travers les liens eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours facile. Vos publications nombreuses sont elles aussi précisées sur le site de cette émission. Odile, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire dans la vie plus tard, comme métier? Oui. Quoi? Couturière. Couturière? Bah, ta maman est couturière? Non? Non, mais je fais de la couture au travail de ma mère. Tu parles un peu plus fort parce que je risque de pas t'entendre. Et si tu avais été un garçon, tu aurais voulu faire quel métier, Odile? Docteur. Docteur aussi? Et pourquoi? Tu penses que tu peux pas être docteur en étant fille? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard dans la vie, comme métier? Péricultrice. Péricultrice, ça t'intéresse. Et si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier? Inspecteur. Inspecteur de quoi? Police. Inspecteur de police, pardon. Et tu penses que tu veux pas être inspectrice de police en tant que fille? Non. Pourquoi? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, tu crois? Oui. Ah, il y a des femmes dans la police. Oui, mais c'est des secrétaires. Vous venez d'entendre un reportage de France 3 Région de mai 1976 où des adolescents, garçons et filles, et des enfants sont interrogés à propos des métiers qui les attirent. Vous venez d'entendre les filles, maintenant les garçons. Je veux être policier. Ah oui? Un poulet. Pour griller les choses rouges. Ah bon, parce que tu crois que policier, ça accorde le droit de griller les choses rouges. Moi, je veux être footballeur. Ah oui? Moi, vétérinaire. Ou alors négociant de bestiaux. Négociant de bestiaux. Ah bon, négociant de bestiaux, pourquoi? Ça gagne beaucoup. Ah oui? Non. Et c'est important pour vous, l'argent? Non. Oh ouais, non, c'est surtout pour le plaisir de faire le métier qui nous inspire. Et si vous aviez été une fille? Si vous aviez été des filles, qu'est-ce que vous auriez fait comme métier? Oh, moi, j'aurais été péricultrice. Et toi? Et toi, qui a une idée là-dessus? Je suis pas une fille, alors. Ouais, je suis pas une fille, alors. J'ai jamais pensé à ce problème. Moi, péricultrice? Ce sont donc des réponses de garçons et de filles d'il y a 50 ans presque, hein, puisque c'était en 1976. Et c'est vrai qu'on se dit qu'aujourd'hui, les réponses à cette question, quel métier aimeriez-vous faire, quels sont les métiers de filles, les métiers de garçons, on se dit que ce seraient des réponses assez différentes. Est-ce que ça signifie que l'enfance est incroyablement plastique? François de Saint-Gly, réceptive aux idées qui l'entourent, et c'est bien pour ça que les enfants d'aujourd'hui parlent différemment et pensent différemment de ceux d'il y a 50 ans. Et est-ce que c'est le moment où nous sommes le plus plastique, le plus réceptif dans toute notre vie aux idées de la société. Je pense pas forcément que c'était démontré. Ah. Bon, mais c'est clair qu'au départ il y a moins, donc je veux dire le, mais c'est donc pas le même travail forcément après de rester jeune entre guillemets si ça veut dire plastique. Je pense que l'exemple de mes collègues, ils sont guère plus jeunes que moi, montre que si on leur dit qu'ils sont devenus durs et plus du tout plastiques, ils vont protester. Donc ça veut dire qu'ils peuvent le rester quand même. Ça, c'est la première chose. La deuxième, faut pas se tromper, parce que très souvent, quand on entend ce genre de petite interview, oui. D'ailleurs, l'intervieweur ou euse a commencé à dire, mais ta maman est couturière, on n'a pas du tout obligé d'avoir... Ça renvoie à la famille, en partie, ça renvoie aussi à toute la société qui, à un moment donné, a une conception de la famille. Oui, c'est ça que je disais, oui, dans ma question. Non, mais donc, il faut... Oui, mais... Mais c'est fou comment ils sont réceptifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la même interview, je pense qu'ils parleraient autrement. Ça prouve à quel point ça marche, la société, sur les cerveaux d'enfants. Oui. Le footballeur, je pense que ça reste très bien. Hein. Donc, le négociant en bestiaux est effectivement plus surprenant. Le docteur, ben, on prend l'exemple de docteur. À l'époque, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est 70 ou 80% de femmes. De femmes, en tout cas, qui sont étudiantes aussi en médecine. Donc, il y a eu une possibilité. Donc, il faudrait travailler. Mais là, sur docteur, c'est parce qu'en fin de compte, c'est du soin. Et donc, on est passé, je veux dire, c'est encore digérable. Sur la police, c'est beaucoup plus difficile, hein, parce que toute la symbolique de la police, c'est quand même la force, la virilité et tout. Et donc, par rapport à la flexibilité par rapport au genre, même si c'est travaillé, dirait Daniel, pas complètement, parce que justement, je pense que la police reste encore un peu éloignée de l'univers des filles. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en fait, c'est pour ça que ça rend difficile, y compris le travail des psys, d'une certaine façon, des sociologues. On va y venir. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est l'ensemble. Si on veut, les enfants, quand ils sont petits, encore aujourd'hui, vont à l'école maternelle. Or, l'école maternelle, d'un point de vue juridique, ça n'existe pas, c'est l'école préélémentaire. Il n'empêche que même le ministre ou la ministre, qu'elle soit de gauche ou de droite, ne change rien, c'est l'école maternelle. Chaque fois qu'on rentre et qu'on va chercher ses enfants ou ses petits-enfants à l'école maternelle, paf, on met une pièce dans la machine, il y a du genre. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'école maternelle s'appelle école maternelle. L'instit trappe dans les mains et dit c'est l'heure des mamans. Elle dit jamais c'est l'heure des papas. Ah bon, encore aujourd'hui, vous? Oui, ah ben oui, bah vous regardez aujourd'hui l'inégalité entre la préparation à l'école maternelle pour la fête des mères. Mais c'est pas sur le genre en fait que je vous interrogeais. Ah. C'était sur le fait que les petits que nous avons face à nous. Attendez, je vais juste aller au bout. Et par exemple, les enfants qui vont voir le pédopsychiatre Daniel Marcelli sont déjà tout pleins de la société. C'est-à-dire qu'ils ont un langage, par exemple, genré, mais pas seulement, sur un tas de sujets. Ils arrivent, c'est pas eux, dans leur pure singularité que vous avez tout de suite des petits êtres sociaux et incroyablement socialisés. Regardez, ils parlent vraiment comme la société. Mais précisément, vous avez dit imprégné. Et l'image du plastique n'est peut-être pas la meilleure image. Je pense que les enfants et les bébés sont des éponges. Ils absorbent. Ils absorbent ce que leurs parents, ce que la famille, ce que l'école leur dit. Une éponge, ça peut prendre différentes formes. Et selon la température, ça peut devenir gelé ou ça peut se fondre. Les enfants sont des éponges. Daniel Marcelli, oui. Que vous diriez-vous que c'est le moment de la vie où la société entre comme dans du beurre, quoi. L'éponge est pas plus que jamais après. Pourquoi les bébés, le regard des bébés attire autant les adultes? Et pourquoi vous mettez un bébé et aussitôt les adultes se penchent sur le berceau et le regardent? Et parce que le regard d'un bébé est un regard ouvert, et quand vous regardez un bébé, vous avez une certitude qui est différente de celle que nous avons en ce moment quand on se regarde. Quand vous regardez un bébé, vous ne vous posez pas la question « qu'est-ce qu'il a derrière la tête ?» Tandis que quand je vous regarde et que vous me regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Mais le petit enfant qui parle, vous vous demandez ce qu'il a derrière la tête quand même, non? À partir de 3-4 ans. Et vous savez que derrière sa tête, il y a ses parents, il y a la société, il y a l'école maternelle puis élémentaire, il y a des idées qui traînent. Au fond, vous avez un être incroyablement social. Oui, c'est une éponge. Il a absorbé ce que son environnement, non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il fait, ce qu'il se comporte, etc., etc. Donc le petit enfant, entre la naissance et 4-5 ans, il s'imprègne de tout cela. Et effectivement, la transmission, c'est pas des sociologues ou des psychanalystes qui vont dire le contraire, la transmission, c'est ce qui nous rend humains. C'est précisément parce que on est des éponges et qu'on est ouvert à plein d'informations nouvelles qui vont nous transformer, que précisément on est ce qu'on est, des humains. Si on était à la naissance totalement formaté comme des vers de terre, on continuerait à être des vers de terre. Mais en même temps, là, on voit quand même du formatage. La socialisation primaire, dont nous allons parler avec ça, c'est autre chose. François Tsenguy, mais en fait, c'est de ça que j'étais en train de parler. C'est-à-dire qu'on est vite, très très vite socialisé. Est-ce que, on va en reparler avec vous, mais je voudrais quand même interroger Gérard Haddad, est-ce que c'est pour ça que c'est si important l'enfant? C'est-à-dire que l'influence de l'environnement sur un enfant, c'est incroyablement fort, peut-être plus fort que ça ne l'est jamais après l'enfance. Évidemment, c'est extrêmement fort, mais j'avale pas tout à fait cette idée. L'enfant n'est pas si passif que ça. Moi, j'observe des petits-enfants et je m'aperçois que très vite, il y a une dialectique qui se pose entre l'enfant et... C'est quoi la société pour un enfant? C'est ses parents, c'est sa mère surtout. Donc, vous dites, bien sûr, il dépend tellement de sa mère qu'il est obligé d'adopter les critères et les valeurs de sa mère. Sinon, il n'est pas nourri, il n'est pas soigné, il meurt. Mais un enfant, très vite, dès l'âge de 2 ans ou 3 ans, il s'affirme. Moi, je vois plusieurs petits enfants qui ont été élevés dans les mêmes conditions. Ils ont des personnalités très différentes les uns des autres, même des bébés. Mais cette affirmation, excusez-moi de vous couper la parole, cette affirmation, c'est précisément quelque chose que la société donne à l'enfant et à partir de laquelle il peut se poser. Un enfant, un bébé, il y a 75 ans, vous n'étiez pas le même bébé que votre petite-fille ou votre arrière-petite-fille, parce que vous étiez conditionné à, je dirais, une forme de passivité et d'attente. Aujourd'hui, les tout-petits sont conditionnés à l'activité et à prendre parole. Non, depuis toujours, il y a chez l'enfant. Bien sûr, il absorbe, il est une éponge, mais il n'est pas seulement une éponge. Non, bien sûr. Très vite, vous sentez qu'il y a un sujet qui pose des questions donc que l'on ne veut pas entendre. Très vite, l'enfant pose des questions sur la mort, sur la mort surtout, sur la disparition, qui revient au même, et on n'entend pas ça. On dit c'est un enfant, ça va lui passer. Et aujourd'hui, justement, il y a des expériences. Moi, j'ai entendu parler dans une banlieue parisienne, on donne des cours de philosophie aux enfants à 2-3 ans. Ça peut paraître bizarre, et n'empêche que ça a un effet énorme. Parce que l'enfant, très vite... Il est angoissé par la mort, par la le noir, maman n'est pas là, etc. Et tout ça, ce sont des dimensions. Le sujet n'est pas une éponge seulement. Alors justement, je suis très contente qu'on en parle là, parce que j'ai l'impression que les deux idées sont très fréquentes, sont contradictoires, mais existent les deux très fortement. L'enfant est incroyablement plastique ou éponge. Oui. Et l'enfant ne l'est pas du tout. Voilà. Voilà. Les deux sont vrais et c'est cette contradiction qui est si difficile à penser. Deux enfants avec la même éducation. Alors je sais bien qu'un papa et une maman ne sont jamais les mêmes avec chacun de leurs enfants. Mais enfin quand même, il y a un certain nombre de choses communes. Deux enfants sont profondément différents. Il y a aussi beaucoup de gens qui vous disent, des parents, de toute façon, on ne peut pas faire de son enfant ce qu'on veut. Ce n'est pas une poupée. Il y a quelqu'un qui résiste et qui se fabrique tout seul. Le problème de la socialisation, François de Tsenguy. Il y a toujours un individu qui absorbe et qui résiste en même temps. Toujours, dans toute forme de socialisation. Mais quand même, il faut resituer le contexte. Le fait que l'enfant ait le droit de résister, de dire non, de faire des choix, je veux dire, je vais me prendre en exemple, entre guillemets, bien élevé et tout, c'est strictement impensable que j'ai pu choisir, j'en ai aucun souvenir, hein, mais que j'ai pu choisir mes vêtements pour aller à l'école maternelle. Oui. Aujourd'hui, un enfant, avant de partir à l'école maternelle, si ses vêtements sont préparés sur une chaise, il dit « Ah non, aujourd'hui, pas cette chemise-là ». C'est quand même le fait qu'il a le droit, sur des objets qu'on peut considérer comme secondaires, mais d'affirmer le fait qu'il ait du choix. Sur l'alimentation, par exemple, il suffit de voir qu'aujourd'hui, dans la sociologie de l'alimentation et chez les spécialistes, ils considèrent comme règle normale que l'enfant différencie et refuse des aliments. Si on prend les années 50, refuser, c'était pas possible, puisqu'il y avait une logique dans laquelle l'enfant devait quand même, Durkheim le dit dès le début du 20e, être d'une certaine façon discipliné. Donc vous avez raison, Géraldine, par rapport au fait qu'il y a une tension, simplement que historiquement, cette tension ne se règle pas exactement de la même façon. Et que la société elle-même joue dans le fait qu'on singularise de plus en plus l'enfant. Premièrement, et pourquoi j'ai des doutes sur le primat, qui aussi validé souvent en sociologie, c'est prenez justement les années 60. Là, je m'excuse, je vais me prendre, mais on est des millions comparables, élevés par l'éducation catholique, la messe, tout ça, tout impeccable. Je suis imbattable là-dessus. Il n'empêche qu'en une année ou deux, des millions de personnes, dont moi, n'ont plus jamais remis les pieds à l'église. Socialisation primaire, aussi forte que la mienne, dans l'éducation catholique, difficile. Du jour au lendemain, j'arrive même pas forcément à comprendre. C'est pas forcément un choix personnel, puisqu'on a été des millions. Et donc ici, je pense que ce qui manque souvent dans nos schémas, y compris en sociologie, où c'est la CSP du père, hein, ou de la mère et tout, c'est justement la force aussi simplement du social, de l'air qu'on respire. Alors la force du social, et qui est énorme. Là vous avez en face de vous Daniel Marcelli, pédopsychiatre, qui j'ai rarement vu un pédopsychiatre autant dire que le social est omniprésent dans les enfants qu'il a face à lui. Notamment, Daniel Marcelli, vous dites que le fait qu'ils soient des individus déjà un peu individualiste, voulant choisir leurs vêtements, la fraise ou la vanille pour la saveur du yaourt, etc. Je prends un exemple de vous, Daniel Marcelli. Tout ça, c'est fabriqué socialement. Bien sûr. Je voudrais revenir brièvement sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans une forme de solidité et de changement. Oui. N'oubliez jamais quand même que l'éponge a une structure extrêmement précise. L'éponge, c'est structuré. C'est pas parce qu'elle a une forme de malléabilité qu'elle n'est pas structurée, comme le dit Monsieur Haddad. Alors, pour aller dans le sens de ce qu'on évoque, je vais utiliser une métaphore qui me paraît parfois plus causante que bien des théories et des discours. Quand on construit un immeuble de 10-12 étages, on commence par des fondations, on fait des fondations, et ensuite on construit l'immeuble. L'immeuble, il peut avoir une façade, des balcons, une présentation des couleurs extrêmement différentes. Et les fondations ne permettent pas de savoir quelle sera la façade et la partie visible de l'immeuble. Et donc, effectivement, on peut avoir comme ça des immeubles très différents avec des fondations. Si rien ne se passe, eh bien on voit l'immeuble, on voit le balcon. S'il y a un tremblement de terre et si la fondation est bien solide, l'immeuble va trembler un peu, il ne bougera pas. Si en revanche, la fondation est médiocre, l'immeuble va se casser la figure, comme ce qui s'est passé en Turquie dans de nombreux immeubles. Eh bien, le rapport entre l'enfance et l'âge adulte, c'est cela. Et la différence entre le sociologue et les psys, c'est que les sociologues sont sensibles à la façade, avec la variété des choses, et que les psys sont sensibles à la fondation. Je trouve un peu rapide. Alors, là, quand même. Je vais... Excusez-moi, là, je trouve que voilà, je vais pas laisser François Cingli défendre sa discipline, mais il me semble que tout le monde ici parle des fondations et de l'architecture et du fait que tout est à la fois très solide et très fragile. Je voudrais finir la métaphore. La métaphore, c'est que s'il n'y a pas de tremblement de terre, on va le dire maintenant, s'il n'y a pas d'événement de vie négatif, la construction avec la variabilité de la façade et ce qu'on a construit dans la vie avec les rencontres, c'est ça qui est visible. Alors, je vais en cas d'événement de vie négatif, l'effondrement, c'est cela qui va se produire. Non, je vais rétablir, parce qu'ils veulent tous parler en même temps. Je voudrais qu'on reste sur notre sujet de départ, qui est que l'individu, le petit enfant, est incroyablement éponge, Et en même temps, ils résistent. Nous avons les, vous êtes tous les trois d'accord, ce qui prouve d'ailleurs que toutes ces disciplines ne sont pas étrangères l'une à l'autre, heureusement. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on dit, ça ne marche jamais le dressage. Non, c'est impossible. L'individu, ça ne marche pas. Le problème, c'est que parfois, ça marche. Écoutez le père des sœurs Williams. Observez attentivement les meilleurs serveurs, Sampras, Lendl, Connors. Vous remarquerez le fouetté de leur poignet au moment de l'impact, façon tapement 5. C'est l'effet que vous devez rechercher en giflant la balle, le fameux pop. Tout ce qu'il nous faut, c'est un club. Pour tout ce qui est entraînement, stage intensif, la totale. C'est de ça que les filles ont besoin. Pour passer de petit génie à joueuse pro, j'ai écrit un plan de 78 pages décrivant toute leur carrière, avant qu'elles viennent au monde. C'est en 1977 que j'ai vu ce match. Et c'est là que j'ai appris qu'ils avaient payé Virginia Ruzici 40 000 $ pour 4 jours de boulot. Étant donné que je me faisais seulement 52 000 $ par an, j'ai su que je m'étais planté de choix professionnel. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, « Faut qu'on fasse deux gosses, ma chérie. » Et cette nuit-là, j'ai élaboré les plans. Un pour Vénus, un pour Serena. Très bien. Le projet recense tous les frais annexes. Tout ce qui est études, apprentissage des langues étrangères, la totale. Et que dit le plan maintenant ? Ta préparation. Il est temps pour nous de venir chez vous pour que vous en fassiez des championnes. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Cette famille sort tout droit du ghetto. Comment ils vont me payer ? Vous en faites pas pour ça, on n'est pas venu vous voler. On veut faire de vous un homme riche. Vous avez pensé au basketball ? Bonne chance à vous, Richard. Vous faites une belle erreur, mais tant pis pour vous. Très bien. Entendu. Bonne journée. Ça doit coûter une fortune, ce pantalon. Une vraie fortune. Si je gagnais un dollar chaque fois qu'un parent hystérique me disait que son gamin allait être numéro un, je serais riche, croyez-moi. Je vous rappelle que Venus Williams a remporté 7 titres en Grand Chelem. Nous parlons de tennis. Serena, sa sœur, est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps. 23 victoires en tournoi du Grand Chelem. Et leur papa, si j'ose dire, avait tout prévu. On a l'impression, pour parler comme les sociologues, qu'il y a eu une socialisation primaire dans la famille et qu'aucune socialisation secondaire n'est venue défaire ce que les parents avaient prévu. C'est troublant. Est-ce que ça existe des familles comme ça? Et puis évidemment, ça fait rêver tout le monde. Donc ça fait rêver tout le monde. Oh, d'avoir deux filles à ce niveau, pense qu'il y a plein de parents qui rêvent. Vous pensez pas, vous, François de Saint-Guy? Pas nécessairement, parce qu'il faut voir le prix. Et y compris pour ces femmes, faudrait voir le reste de l'existence. Donc je veux dire, il y a aussi des gens qui sont sur des rails pour les très grandes écoles, etc. Donc je veux dire, donc les rails, ça vous peut... Vous êtes convaincu qu'il y a un coût, bien sûr. Vous attendez tous les trois sur ce sujet. Simplement que c'est justement la forme de plasticité, on pourrait dire, de l'éducation familiale. On a des cas, et Goffman... Irving Goffman, sociologue dont on a déjà parlé souvent dans Asile, ne soulève pas la question que la famille, dans certaines conditions, donc c'est pour ça qu'il faudrait repréciser, peut donner une éducation de type totalitaire. Pour moi, c'est des enfants pour revenir une petite phrase. Je n'ai pas parlé beaucoup jusqu'à présent. J'aurais des choses à dire d'ailleurs. Je vous promets que vous vous rattrapez. Oui, mais on a. François. Mais tout à l'heure. J'ai peur. Non, c'est pas du tout critique. C'est simplement une petite remarque. Justement, la plupart des enfants aujourd'hui ne sont pas dans le cadre d'une éducation totalitaire par rapport, par exemple, à leurs parents. Ils passent l'essentiel de leur temps à la crèche, avec des nourrices, des agréés, etc. Donc, ils ont d'autres. Et c'est pas forcément du tout la même chose. Donc, je veux dire, il y a déjà du jeu dans le fait que même tout petit, l'enfant va voir qu'il y a différents types de règles. Et quand j'entends Daniel Marcelli, vous allez nous l'expliquer maintenant, mais je l'ai lu, nous dire qu'il faut quand même pas laisser trop de choix aux enfants. Là, Daniel Marcelli, avec le père Williams, vous avez l'exemple inverse. Bien sûr. Quelqu'un qui a réussi à imposer des règles fermes à des filles qui, jusqu'à l'âge adulte, ont tenu. Bien sûr, François de Saint-Guy a utilisé à 3 reprises le mot totalitaire. La difficulté de l'être humain, c'est qu'il peut y avoir du plaisir dans la soumission. Il peut y avoir du plaisir dans la soumission. Alors, je sais bien que ça choque beaucoup d'êtres humains. Nous, on a fait des séances sur la servitude volontaire. Enfin, nous, on n'est pas très choqués. Mais j'ai pas dit, au courant. Voilà. Oui. Donc, à partir de là, c'est là que le destin humain devient très compliqué. Oui. Parce qu'effectivement... Mais c'est pas ça qui vous inquiète aujourd'hui. Ce qui vous inquiète, c'est le trop de liberté aux enfants. Pourquoi ça vous inquiète? Ça m'inquiète pas pour des raisons... je dirais, conceptuelle, philosophique ou abstraite. Ça m'inquiète par rapport à ce que je vois en tant que pédopsychiatre, quand on voit ces enfants totalement égarés, totalement perdus, totalement angoissés par cette absence totale de cadre et de règles. Le cadre et la règle, c'est pas obligatoirement une prison. C'est quelque chose qui donne une structure, quelque chose qui donne des guides, qui donne un sens. Un sens. Le sens de l'être humain, le sens de la vie, je ne crois pas qu'il soit de ma vie. Je ne crois pas qu'il soit en moi à ma naissance. Vous dites une chose qui me paraît assez importante pour notre sujet. C'est que lorsqu'un enfant a eu une liberté de choisir infinie avec l'angoisse qui peut l'accompagner, il ne sera pas prêt à négocier, je vous cite, les contraintes à la fois physiologiques et psychiques qui vont apparaître avec la puberté et la crise d'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescent, lui, va découvrir des contraintes de son corps. Bien sûr. De ses désirs, de ses humeurs, etc. Ouais. Et que précisément, il faut avoir eu un rapport à la contrainte pour affronter cette contrainte-là nouvelle et installer un retrait, la possibilité de choisir justement au moment où la contrainte viendra faire irruption à l'adolescence. C'est ça que vous dites ? Oui, bien sûr, parce que si on laisse l'enfant devant tous les choix possibles sans arrêt en disant « qu'est-ce que tu veux mon chéri ?» etc., très rapidement, on lui apprend quelque chose d'essentiel, c'est que son désir est le roi. Et le problème du désir, c'est que le meilleur des désirs, c'est celui qui n'a jamais été satisfait. Et donc, à partir du moment où on est devant l'immensité des désirs, le risque, c'est que l'enfant devienne l'esclave de la tyrannie du désir. On dit souvent « ce sont des enfants tyrans ». Je n'aime pas cette expression, parce qu'elle accuse l'enfant. En fait, ce sont des enfants qui sont soumis à la tyrannie du désir. Et effectivement, dans le choix, tous les choix, il y a de la frustration. Il y a le renoncement à ce qu'on n'a pas choisi. Donc effectivement, apprendre à choisir, ça s'apprend. C'est pas dès la naissance qu'on demande pour toute chose à l'enfant, qu'est-ce que tu veux, mon chéri, etc., etc. Qui est une valeur sociale. C'est là où c'est problématique. C'est que la valeur sociale, l'autonomie et la liberté de choix n'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable dans la base de l'éducation du jeune enfant. Il y a une contradiction interne. Alors j'en viens à vous, Gérard Haddad, psychanalyste. Oui. Bon, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose qui se dit souvent. C'est qu'on fait toujours mal, en fait, quand on est parent, parce que où il y a trop de règles, il n'y en a pas assez. Le trop de règles, c'est le père Williams. Le pas assez de règles, ce sont les parents que critique le pédopsychiatre à côté de nous, avec nous, Daniel Marcelli. Ma question à vous, c'est d'accord, on fait toujours mal, mais est-ce que c'est si grave ? C'est-à-dire, est-ce que ce qui se passe là dans l'enfance, ça nous poursuit toute notre vie, ou bien ça, c'est une fausse idée, y compris une fausse idée qu'on se fait de la psychanalyse ? Oh là, bien sûr. D'abord, je voudrais revenir à cette histoire des sœurs Williams. Oui. Il faut avoir vu un match des sœurs Williams. J'en ai vu. Vous croyez que il suffit que le papa ait décidé cela pour qu'elles soient ce qu'elles sont ? Il a fallu qu'elles reprennent ça à leur compte, pour des raisons probablement parce qu'elles aimaient leur père. Moi, je pense que mon père a voulu, avant ma naissance, que je sois médecin. Et je suis devenu médecin. Et aujourd'hui, mais parce vous que dites peu, vous dites surtout que vous êtes psychanalyste, qui n'existe pas. Non, mais je suis quand même médecin. J'ai quand même fait des 11 années d'études de médecine. Bon, donc, il y a le désir des parents, mais il faut qu'il soit repris par les enfants. Sinon, ça donne rien. Vous croyez que taper dans une balle comme elle tape, là, les deux sœurs, parce que papa a décidé, tu parles, mon œil. Mm. Vous savez qu'une bonne partie de l'œuvre de Freud est basée sur la négation. Oui. Il y a le stade anal, qui est le stade où on dit non. Un des articles les plus courts et les plus, peut-être un des plus importants de Freud s'appelle la négation. Ou la dénégation, comme le voulait Freud, comme le voulait Lacan. Et c'est au moment de l'alimentaire. Et c'est là que Freud nous dit que le symbolique se constitue. Un bébé peut ne pas vouloir cette bouillie et préférer une autre. Et déjà, dit Freud, dans ce magnifique article, peut-être plus ou moins connu, que se constitue pour l'enfant la dimension du langage, du symbolique, enfin tout le reste. Donc, que l'enfance soit importante, c'est tellement évident qu'on ne va pas y insister énormément. Et est-ce que c'est fini avec l'enfance ? Non, bien évidemment. Il y a une deuxième chance, si je puis dire. Mm-hmm. Par exemple, l'adolescence, on rebat les cartes complètement. Ce qu'on avait cru, moi je prends des exemples, un enfant, il vient, il me dit, C'est mon fils, quand il était petit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être psychanalyste, parce que j'étais psychanalyste. Il n'est jamais devenu psychanalyste. Hein. Et à l'adolescence, il a pris son choix et il est devenu violoniste. Mmh. Bon. Et avec succès, d'ailleurs. Donc, à l'adolescence, on rebat les cartes complètement. Oui. Non, les êtres humains ne sont pas si plastiques que ça, heureusement. On voudrait. Mais alors pourquoi on croit si souvent que la psychanalyse, c'est fondamentalement retrouver l'enfance? Pourquoi est ce lieu commun? Ça, c'est une idée. Bon, peut-être certains psychanalystes ne connaissaient pas la mienne, c'est pas celle que, à laquelle j'ai été formé. Bien sûr, on revient dans le cours de l'analyse. La question d'enfance, l'expression qui a été employée par Freud, je crois, et puis par Lacan, est un sous-produit de l'analyse. Dans l'analyse, c'est le présent qui compte, les problèmes que l'on rencontre. Et la question de l'enfance, c'est pas pour s'y attarder, c'est pour la liquider, si vous voulez. À la fois, nous créons dans l'analyse un canal entre le conscient, si vous voulez, et la richesse qu'a été l'enfance, etc. Mais, en même temps, on veut que la personne devienne adulte. La fascination pour l'enfance, la nostalgie de l'enfance, c'est un peu catastrophique. Alors, on va revenir en détail sur, justement, ces idées qu'on a souvent de la psychanalyse, qui sont un peu rapides. Qui sont médiatisées, probablement. Alors, justement, je souligne auprès de nos auditeurs que nous parlons de l'enfance ce matin. Nous nous demandons si elle est si décisive que cela dans nos vies. Je suis en compagnie du pédopsychiatre Daniel Marcelli, du psychiatre et psychanalyste Gérard Haddad et du sociologue François de Singly. Cédric Clapiche adore, vous le savez, dans ses films, montrer la psychanalyse à l'œuvre, hein, montrer aussi les préjugés qu'on a parfois à son endroit. Je vous propose d'écouter un extrait de son film « Deux mois », ce film de 2019 où on voit très bien que lorsqu'en tout cas quelqu'un annonce dans sa famille qu'il va faire une psychothérapie, s'il y en a bien une qui sait que c'est pas pour la retrouver sa norme, mais que c'est sans doute plutôt pour s'en arracher, c'est la famille justement. On écoute. Allez, les frites. Allez, hop. Ouais, toi, le Parisien, t'as pas répondu. Ça va? Tu en veux les frites? Eh ben, pas trop, en fait. Tu en veux pas de frites? Non, pardon, ça va pas trop. Ah bon? Ouais. Et toi, le collège, c'est ta première année, en plus? Je fais des amis... Visiblement, je fais un truc... Style une dépression, quoi. Une dépression? Ouais, genre. Mais t'as été voir un médecin? Ouais, je suis allé voir un médecin qui m'a dit d'aller voir un psychothérapeute, là. Un quoi? Un psychothérapeute? Ah bah c'est bien, ça. Mais t'es quand même pas... T'es pas fou? Mais non, maman, mais... Mais quoi? Mais t'es tout à fait normal, t'es comme nous. De toute façon, une dépression, c'est pas un truc d'être fou, de pas être normal, c'est pas ça. C'est juste un moment où, voilà, on est un peu fatigué, on est un peu stressé, et puis c'est tout. Mais ce que t'as pas dit, c'est qu'elle a une nouvelle amoureuse. Elle s'appelle Maria. T'as pas besoin de raconter ma vie, hein. Bah si, j'ai besoin, et en plus... Bon, qui veut des frites, là? Moi, je veux des frites. Oui, allez, allez. C'est inquiétude de la famille, et puis les bruits d'enfance, c'est assez cocasse. Mais Cédric Clapiche aime aussi montrer comment les patients eux-mêmes sont parfois les premiers à véhiculer des poncifs sur la psychanalyse qui font les délices, pour le coup, des psychanalystes. On écoute maintenant un extrait de son film Paris, où c'est l'acteur Lucchini qui incarne un personnage se rendant pour la première fois chez le psy. Ne le prenez pas mal, mais j'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui? Pourquoi vous êtes venu, alors? Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici, mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Je trouve qu'il faut être sacrément naïf pour faire ça, non? Pour faire quoi? Ben pour y aller, raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe. Je suis très attaché à ma maman, est-ce que c'est grave, combien je dois, docteur? Il y a un petit côté pathétique, non? Non. Moi, j'arrive pas à penser que simplement en s'allongeant là-dessus, sur ce divan, et en déblatérant pendant des heures sur son passé, on arrive à, je sais pas comment dire, réparer des plaies. Je suis pragmatique, vous comprenez ça? Moi, je suis concret. Donc, tous ces machins d'envoûteurs, de gourous, c'est pas mon truc. Je suis le contraire d'un naïf. Je ne crois qu'à ce que je vois, moi. Et vous voyez quoi? Eh ben, moi, je suis historien. Donc, dans mon boulot, on avance par traces tangibles. Mmh. Là, vous vous dites, le mec va très, très mal, c'est ça? Alors, il va très, très mal. Donc, il vient ici et il s'avoue pas qu'il va très, très mal. Alors, il fait le gars qui va très, très bien. Enfin, il met en scène les défenses, comme vous dites, c'est ça? Eh ben, c'est ce que vous vous dites, non? Non, non. Je vous écoute. Mais c'est pas un candidat pour la psychanalyse. Pas sûr, Gérard Adam. Ah non, certain. La condition pour faire une analyse, c'est de vouloir faire une analyse. Mais il est là déjà. Il est là, il est dans le cabinet. Oui, mais vous savez ce qu'il dit là? Moi, quand je sais pas. Bref, quand on va avoir une analyse, parce qu'on va mal, on sait qu'on va mal, et on jette le masque, et on veut faire en sorte de découvrir sa vérité, pourquoi on va mal. Donc, ça c'est du cinéma qui correspond pas à la réalité. Bon. Et quel est le rapport de l'analyse à l'enfance, puisque c'est ça notre sujet d'aujourd'hui? C'est à la fois essentiel et pas central? Il y a une espèce de dialectique, il y a un double mouvement, n'est-ce pas? À la fois assumer son enfance et son adolescence et tout ce qui s'est passé, avec les traumatismes que ça implique, et en même temps... maintenir le canal ouvert avec l'inconscient, donc au moins un peu, et d'un autre côté, prendre des distances à l'égard de ça. Sortir de cet infantilisme, aujourd'hui, dans certains courants analytiques, chez certains praticiens probablement, il y a ce goût de l'enfance, de nostalgie de l'enfance. Et je dirais d'ailleurs, on pourrait parler de psychologie collective. Si vous me permettez. Mais je vous en prie. Expliquez-nous, c'est très intéressant. Il y a dans la psychologie collective un goût pour le passé, pour l'enfance, pour et au niveau des peuples, par exemple, vous avez des drames historiques qui se sont déroulés parce que le groupe humain concerné a gardé une espèce de nostalgie ridicule pour un passé fini depuis longtemps. D'ailleurs, Freud en parle. Il imaginait que les Anglais allaient pleurer devant la tour de Londres parce qu'elle avait brûlé, ou je sais pas quel siècle. Aujourd'hui, vous avez les Juifs qui vont pleurer devant le mur des Lamentations. Cette nostalgie d'un temps fini... Qui serait notre vérité, c'est ça? L'idée qui est l'origine détient la vérité? Eh ben oui, c'est une erreur. C'est ça l'idée. C'est une erreur. Et ça a créé des drames historiques, des guerres. Pourquoi est-ce que les gens se font la guerre au Moyen-Orient? Parce qu'il y a une bande de cinglés, s'ils se disent messianistes, qui croient qu'ils vont retrouver le temps du temple du Salomon. Pourquoi est-ce que les salafistes, c'est quoi les salafistes? C'est une nostalgie de la Oumma, du temps de Médine. Qu'est-ce que c'est que la guerre du Balkan? Ce sont les Serbes qui croyaient qu'ils allaient... Ils allaient guérir, ils allaient retrouver... Vous savez, il y a une bataille de la plaine des oiseaux où les Turcs ont battu les Serbes. Pardon, on a un portable qui sonne, ça arrive. Peu importe, ça va s'arrêter. Et donc, cette nostalgie a quelque chose de pathologique, oui, dont on doit se déprendre, ouais, je pense. Bon, c'est pas grave, ça vous a perturbé en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre énervement. Parce que souvent... Je suis énervé, là ? Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y aurait une tendance à, permettez-moi de le dire avec d'autres mots, mythifier l'enfance. Oui. L'enfance individuelle et l'enfance des peuples. Or, il se trouve que François de Saint-Gly, qui est ici présent, comme sociologue, pense exactement la même chose que vous. Je le sais, puisque je l'ai lu. Il pense, et d'ailleurs, il pensait peut-être, me semble-t-il, que effectivement, certains psychanalystes ont cette tendance. Mais oui, vous voyez, oui, vous avez un psychanalyste, François de Saint-Gly, qui pense exactement comme vous. Arrêtons de mythifier l'enfance. Pourquoi le sociologue que vous êtes pense que c'est une erreur? C'est un très bon exemple sur sur les guerres, on a la même chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'étudier à quel moment ça arrive aussi. Parce qu'on ne mythifie pas forcément tout le temps. Et il y a un historien, je prononce mal, bon, donc je vais être pas très à l'aise, mais qui a écrit un livre sur les traditions inventées et qui montre que, à certains moments, et notamment quand, par exemple, le capitalisme va exiger aux États-Unis que tous les agriculteurs, etc., aillent en ville, au même moment, Ford va inventer C'est très très bien documenté. La musique country, c'est-à-dire en fin de compte qui n'existait pas, c'est une pure invention. Donc les gens se déguisent, on a les photos d'avant et d'après, mais dans lesquelles on va réassurer. Donc c'est des moments de déstabilisation très importants. Où on se réinvente l'origine. Et c'est ça on se réinvente l'origine. Mmh. On a eu la même chose en Bretagne. Autour de Théodore Botrel à Paris, quand tous les Bretons sont arrivés, Théodore Botrel a écrit les chansons bretonnes à Paris. Et aujourd'hui, tous les gens pensent que c'est du vrai de vrai. La même chose. Parlez-moi de l'individu surtout, parce que quand vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Vous dites souvent que le moi, si ce terme a un sens, c'est un peu du moi de l'enfance, mais ensuite il y a un véritable autre moi, notamment le moi dans la famille, qui est un lieu majeur pour vous de la socialisation dite secondaire. Et c'est un moi en tension, c'est un moi, le moi conjugal notamment. Parfois il exige de ranger un peu le monde de sa première famille, de le mettre un peu de côté. Parfois on le met tellement de côté que la nouvelle famille devient insupportable parce qu'on ne peut plus faire droit à ce qu'on a été. Vous ne croyez pas qu'il y ait des fondements plus importants que les autres dans la construction d'un individu ? Bon, je suis pas forcément. Je pense que d'abord c'est inégal, c'est-à-dire un fils aurait pu devenir le fils de Gérard aurait pu devenir psychanalyste. Au départ, je pensais que c'était catastrophique ces gens-là. Non, mais le fils n'aurait pas réussi, mais il aurait pu réussir en tant que psychanalyste. À se créer sa propre identité. Donc la distance, elle n'est pas forcément visible parce qu'il devient violoniste. Donc la logique de la reproduction sociale n'interdit pas. J'ai fait la liberté. N'interdit pas des moments. Il faut naturellement se raconter une histoire. Mmh. Moi, ce que je pense surtout, c'est que contrairement, et on l'a dit tout à l'heure dans la bouche de Daniel, sur le fond, c'est pas une identité de départ. Mais que, en fin de compte, et c'est pour ça que je suis assez Paul Ricoeur sur l'identité narrative, c'est à la fin de ma vie, d'ailleurs, c'est quelle histoire je raconte de moi-même, et donc c'est une somme d'expériences. Mais cette somme d'expériences, on la réactualise. Et donc, par exemple, justement, les psychanalystes, mais comme les sociologues, et certains, quand même, et les uns et les autres font les mêmes erreurs, c'est-à-dire, pas tous, et on peut raconter son enfance. Sauf que l'enfance que je raconte, ou l'adolescence que je raconte, c'est pas mon enfance, entre guillemets, objective, c'est l'enfance dont j'ai besoin, disait Alvax, pour aujourd'hui justifier mon expérience, ma construction identitaire. Donc c'est vrai que c'est, vous avez utilisé le mot que j'utilise pas forcément, mais je suis assez d'accord sur la dialectique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le passé qui serait prédominant, même si, par exemple, Durkheim, hein, j'ai la citation, en chacun de nous, il y a de l'homme d'hier, et c'est l'homme d'hier qui est prédominant. Non, je pense que, justement, notre construction, c'est la force à la fois aussi du présent, donc de toute la socialisation que j'appelle secondaire, à l'adolescence. Je veux dire, elle est quand même très importante. On a oublié de le dire, mais il y a tous les copains et la culture générationnelle. On bricole avec beaucoup de milieux sociaux à tous les moments de sa vie. Et finalement, c'est pas du tout évident, si je vous entends bien, que la socialisation primaire soit la plus décisive. Daniel Marcelli. Oui, écoutez, François vient de terminer sur en évoquant l'adolescence. On a parlé du mythe des origines, qui effectivement est le danger du mythe des origines. On a également, avec l'exemple de Fabrice Lucchini, parlé de la résistance à rentrer dans une psychanalyse traditionnelle présentée par les médias. Pendant presque 50 ans, j'ai fait des thérapies d'adolescents. L'adolescence, c'est précisément l'âge. Quand vous avez un adolescent en soins, anorexie mentale, adolescent dépressif, suicidaire, etc., si vous commencez à vouloir absolument qu'il parle de son enfance, vous êtes à côté de vos pompes. Parce que vous êtes dans une espèce de fabrication, de reconstruction factice. Précisément, le rôle de l'adolescence, c'est d'arriver à se réinventer. C'est-à-dire à recréer une narration nouvelle qu'il puisse s'approprier. La grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas réinventer à partir de rien. Et il faut que l'adolescent puisse trouver les briques qui lui conviennent pour fabriquer sa propre invention. Et c'est donc à lui de trouver les mots pour dire son histoire passée, qu'il a envie, éventuellement en la transformant. Là, il va devenir propriétaire de son histoire. Si on commence à plaquer son histoire d'enfance sur son, sur sa vie, on va fabriquer un clone. On ne fabriquera pas un être humain. Enfin, on ne permettra pas à un être humain d'éclore. Le rôle du psy d'adolescent, c'est justement ce rôle très paradoxal. Et quand on fait des thérapies d'adolescents, on ne parle pratiquement jamais de l'enfance. Si lui veut en parler, il est libre. Mais si vous commencez à dire quand tu étais enfant, ceci, cela, on le piège dans quelque chose où il ne pourra pas se réinventer. C'est ça le paradoxe absolu de la thérapie psychanalytique et du rapport entre l'enfance et l'âge adulte. Gérard Haddad, nous sommes allés très loin là, dans une critique du mythe de l'enfance, y compris en psychanalyse, qu'il faudrait relativiser. Mais ne sommes-nous pas allés trop loin? Malgré tout, vous avez beaucoup d'auteurs qui ont constitué cette chose qui n'est pas une école, mais qui est une manière de réfléchir et d'aider, qu'est la psychanalyse. Et beaucoup d'auteurs qui disent quand même qu'à partir du moment où vous mettez dans une pièce quelqu'un pour être écouté par quelqu'un d'autre, il se passe une chose qui s'appelle le transfert, nous a dit Freud, et ça, qu'on le veuille ou non, ça va nous ramener à un moment donné à la toute première relation, celle qu'on a eue avec sa mère, et puis celle qu'on a eue avec son père, ou le compagnon, ou la compagne de sa mère, etc. Est-ce que malgré tout, il ne faut pas éviter d'aller trop loin dans cette critique du rapport à l'enfance? Il y a l'enfance, la petite enfance, c'est quand même à un moment donné le sujet de la psychanalyse. Bien sûr, attendez, il ne faut pas non plus... On passe toujours d'un extrême à l'autre. Moi, ce que je ne sais pas pourquoi ce mot ne vous plaît pas, il y a le mot dialectique. Non, on adore, vous inquiétez pas. Allez-y, vous inquiétez pas. Oui. Je pense que dans l'analyse, moi, je prends un cas que je connais bien, c'est le mien. J'ai fait une longue analyse avec Jacques Lacan, il s'est passé des choses incroyables dans cette analyse. À la fois, j'ai retrouvé mon enfance. À la fois, les choses, les passions de mon enfance sont revenues. Et en particulier, mon attachement à la culture juive, qui est ma culture de naissance, si vous voulez. Et en même temps, j'ai pris de la distance avec cette enfance. Je ne suis pas collé à mes traumatismes infantiles. Mais en même temps, il y a cette espèce d'autoroute qui s'est construite entre mon présent et mon enfance. Et le génie de l'enfance, c'est cette espèce de fraîcheur et d'inventivité qu'est l'enfance, grâce à l'analyse, est revenue et s'est maintenue. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. Vous savez, quand un patient, tous les jours, Freud le dit d'ailleurs, à propos des rêves, il arrive à chaque séance, il dit « Ah, je me souviens de... Attendez, vous lui dites, dis donc, parlez-moi un peu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui? C'est ça qui nous intéresse. Et qu'à travers la vie d'aujourd'hui, dans les associations, un peu d'enfance arrive. Alors on l'accueille, mais on ne centre pas les choses. On ne dit pas comme vous le disiez tout à l'heure. Parlez-moi de votre enfance. Je ne sais pas quelle est l'analyse qui fait ça. Parlez-moi de votre souffrance d'aujourd'hui. Parlez-moi de vos conflits conjugaux. Parlez-moi de tout ce que vous voulez, mais de ce qui ne va pas. N'est-ce pas? Et à travers ce qui ne va pas, peut-être, et certainement, des choses de l'enfance vont revenir. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans la construction du sujet, c'est la rencontre. La vie est faite de rencontres qui sont des surprises. Très vite. Moi, je me souviens, à l'âge de 4 ans, j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui était un rabbin et qui a marqué ma vie. Plus tard, à l'adolescence, rencontrer une femme ou un homme, une femme. Mais ça change tout! Cette femme va vous faire renaître, d'une certaine façon. Il se passe quelque chose d'inouï dans l'amour, où les cartes sont rebattues, et l'accès à des tas d'univers auxquels je n'aurais jamais pensé m'ont été permis. Vous ne pouviez pas parler mieux de l'œuvre de François de Singly, qui précisément, comme sociologue, s'intéresse à ce qui se passe dans le lien amoureux, puis dans le lien familial. Voilà, oui. Mais ce qu'il dit aussi, amoureux, c'est qu'il y a de la tension. Si je vous lis bien, quand même, François de Singly, on se réinvente, Mais on demande aussi à ces liens-là de nous révéler à nous-mêmes et de faire ressortir des choses qui ont compté pour nous avant. C'est dur quand même ce qu'on demande à la famille aujourd'hui. On lui demande de nous décentrer et on lui demande de nous recentrer aussi. Là, je préfère le terme presque rencontre parce que en fait c'est pas la ça peut être la famille. C'est justement des liens personnels. Berger et Luckmann dans la construction sociale de la réalité insistent beaucoup sur le fait qu'on ait besoin. Donc on élabore des choses, etc. Donc là, qui nous sont communes d'une certaine façon, mais que on a besoin des autres pour valider ou invalider. Et donc la rencontre, c'est aussi un processus dans lequel l'autre va dire « Ah ben là, quand même, il y a une discussion. » Et c'est pour ça que la conversation est au centre. Je voulais juste poser une petite question. Ce sera la dernière remarque. Pourquoi il y aurait... On glisse tout le temps, mais c'est la construction, on n'est pas critique, mais un peu. Il y a la psychanalyse, il y a d'autres formes de psychothérapie qui partent aussi du présent, et notamment tout ce qui est systémique et tout. Donc je voudrais rappeler sur le fait qu'il y a plusieurs schémas d'interprétation de la construction à partir du présent, sur lequel il y a... Je veux dire, même le Lucchini, je sais pas quel était son problème, j'ai pas vu le film mais il pourrait peut-être éventuellement faire une auto-analyse. Tout le monde n'est pas obligé d'aller forcément. Il peut avoir besoin et souffrir. Il peut aussi changer de, non pas de psychanalyste, mais changer de boutique psychothérapeutique. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes portes, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs, mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des songes rouges, les dahlias fauves dans l'allée, le puits, tout, j'ai tout retrouvé. Hélas, la guerre nous avait jetés là, d'autres furent moins heureux, je crois, autant jolis de leur enfance. La guerre nous avait jetés là, nous vivions comme hors la loi, et j'aimais cela quand j'y pense. Ou mes printemps, mes soleils, ou mes folles années perdues, ou mes 15 ans, ou mes merveilles, que j'ai mal d'être revenue. Ou les noix fraîches de septembre et l'odeur des murs écrasés, c'est fou d'où j'ai tout retrouvé. Hélas, il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Vous, ma très chérie, oh ma mère, où êtes-vous donc aujourd'hui? Vous dormez au chaud de la terre, et moi je suis venue ici pour y retrouver votre rire, vos colères et votre jeunesse. Je suis seule avec ma détresse, hélas. Donc revenu et seul au détour de ces rues, j'ai froid, j'ai peur, le soir se penche. Pourquoi suis-je venu ici où mon passé me crucifie? Elle dort à jamais, mon enfant, mon seul. J'ai tout retrouvé, hélas, dit Barbara dans cette chanson. Cette chanson de 1968, Mon enfance. Je vous propose à présent d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine nous parle de l'habitude, de la force de l'habitude. On l'écoute, c'est le pourquoi du comment. Comment situer l'habitude dans notre vie ? lorsque l'on prend une habitude, comme on dit, lorsque notre corps, notre comportement même se met à suivre des mécanismes par un apprentissage un peu mystérieux d'ailleurs, comment se fait-il que nos corps, après une répétition de quelques actions, se mettent à les faire mieux, se mettent à les faire plus souplement, comme un mouvement de sport précisément, qu'on prend l'habitude de faire, qui devient presque automatique et inconscient. Lorsque l'on prend des habitudes, donc, cela a des effets sur notre vie, pour le meilleur et pour le pire. Il y a de bonnes et de mauvaises habitudes, il y a des vices et des vertus, il y a des pièges politiques qu'on nous fait prendre des habitudes, on s'habitue au pire, et puis il y a aussi des résistances par l'habitude, des forces qui en nous nous permettent de résister à des épreuves aussi, grâce à des routines, grâce à des rituels. Et au fond, il faudra revenir aussi sur ce caractère presque sacré de l'habitude, qui fait que inversement, on peut définir le sacré par l'habitude, par ce qui ne peut pas ne pas être respecté ou revenir. Mais pour situer au fond ces effets de l'habitude dans notre vie, il faut quand même aussi les situer par rapport à ces effets sur notre connaissance. L'un des problèmes ou des mystères de l'habitude, c'est justement aussi qu'elle influence notre connaissance. David Hume, dans son enquête sur l'entendement humain, a même réduit notre connaissance à des associations par habitude. Nous pensons que demain le jour va se lever, c'est parce que nous l'avons toujours vu se lever. Ce sont ces associations d'idées. Et là aussi, cette généralisation par notre corps, par la répétition, par les idées en quelque sorte toutes seules, a des effets sur notre vie avec deux directions critiques qui s'opposent à ce pouvoir unique de l'habitude. Il y a d'abord la grande tradition critique d'opposer l'habitude et l'universel, l'habitude et la démonstration. Je vois le soleil se lever tous les matins, mais l'astronome, lui, me démontre. Pourquoi ? Kant s'est opposé à Hume en disant « il faut opposer le nécessaire au général, la loi mathématique, ça n'est pas seulement la répétition d'une chose tous les matins dans votre corps. La science s'oppose, dépasse les pouvoirs de l'habitude dans la vie. » Mais il y a une autre direction peut-être plus radicale encore, qui a beaucoup travaillé la philosophie et l'art, notamment dans la France du début du XXe siècle ou dans l'Europe du début du XXe siècle. C'est d'opposer à l'habitude, non pas seulement la nécessité, l'universalité comme on l'oppose au général, mais surtout la singularité. On trouve cela chez Bergson, dans Matière et mémoire, dans deux définitions de la mémoire. La mémoire habituelle, qui est un mécanisme généralisant, et la mémoire du singulier, que l'habituel vient masquer. Par exemple, dit-il, quand j'apprends une leçon, j'apprends la générale de la leçon, mais j'oublie chaque contexte de la lecture, la voix qui la prononce et le style de tel ou tel moment. Et peut-être celui qui est allé le plus loin dans cette critique de l'habitude au nom de l'individuel et non pas au nom de l'universel, c'est Marcel Proust. Dans La recherche du temps perdu, il incrimine l'habitude. L'habitude est cruelle, elle nous fait oublier les autres, elle nous fait perdre le sens de notre vie. Il faut l'irruption de la mémoire involontaire, parfois jusqu'à la mémoire de l'être cher perdu, comme la grand-mère dans Les intermittences du cœur. Oui, j'ai pris l'habitude d'oublier ce qui m'importait le plus, ça me masque même mon chagrin le plus vital. L'habitude est donc bien un pouvoir, une force, mais aussi un problème, voire une violence. Merci Frédéric Worms et merci à mes trois invités d'aujourd'hui qui ont parlé de l'enfance en s'écoutant, je trouve, pas mal. Daniel Marcelli, François de Singly et Gérard Haddad. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Louise Labarthe, que nous accueillons. Bienvenue Louise, Carla Michel, Chaïma Gibois et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.